nous saluons chaque frère et chaque sœur au nom de Jésus-Christ. Tuko nasalimia kila nduku na kila dada mujina Yesu Kristo. Nous en profitons pour saluer tous nos frères et toutes nos sœurs qui nous suivent en ligne. Tuna faidi ya joko salimia nduku na wadada yetu bote nifata kupitia mtandao. Que de riches bénédictions de la part du Seigneur reposent sur chacun de nous. Mabaraka utajiri kutoka upande wa Mungu ipate kala kila mmoja kila mmoja wetu. Puisse nous assister ce matin. Na Bwana apate kutusaidia asubuhi. Qu'il puisse nous faire encore du bien aujourd'hui. Afashe tena mema ya asubuhi. Quiconque est venu avec un besoin. Yote alikuwa na hitaji. Spirituel ou matériel, financier, une préoccupation quelconque, que le Seigneur fasse quelque chose pour nous. La visitation du Seigneur est une bonne chose. C'est un grand roi. Quand il vient, regardez ce qui arrive avec le roi de la terre. J'ai vu lors du passage du roi des Belges. Mwakati roi belge alipita Mkongo. Lui en tant que roi. Yes, mfalme. Il est immensément riche. Eko mutajiri kabisa. Il y trouve tous ses villageois de niveau de 55 sur l'axe Lubumbashi. Anakuta bale bakaja pa 55 kulo mamkini. De vers Kiembe. Pale kunenda Kiembe. Frère, des enfants très minables. Batoto ba mashikini sana. Un roi normalement lui ferait des dons. Mufalme alipaswa kufanya kwa zawadi. Mais nos rois de la terre eux attendent que nous on fasse nous des pauvres qu'on leur donne. Lakini bafona pa dunia bobe achunga shiba mashikini tubapatie. C'est contradictoire. Ni kipindupindu. Regardez le pape. Mwangalia ta pape. Il est assez riche. Et comme tajiri sana. Quand il vient, mwakati anakuja. Faut qu'on lui donne l'argent. Na fait tumpatie tena fedha. Des gens qui souffrent, toi tu dois leur apporter quelque chose. Parce que toi tu es stable. Toi tu as assez de moyens. Mais c'est le contraire du Seigneur. Vraiment c'est un bon roi. Quand lui vient, au lieu que les gens lui donnent, c'est lui qui répand. Qu'il le fasse encore ce matin. C'est pourquoi il est différent des rois de la terre. Les rois de la terre vous trouvent avec des problèmes. Ils font seulement des discours. Et ils vous encouragent. Il s'en va. Banenda. Mais Christ vous trouve Lakini avec Christ, des problèmes. Ye kama kutala mambo. Vous venez avec un cœur troublé. Kufurukwa, lui vous guérit. Ye ekona mitunza. Vous manquez la paix, poussa, il vous salama, donne la kosa, paix. Vous manquez à manger, il vous donne chakula, à manger. Vous manquez du travail, il vous donne kazi, du travail. Kazi. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, il vous donne le Saint-Esprit. C'est la bonne chose, la bonne qualité qu'il y a chez le Seigneur. Jo, ali muzuri, iko kwa Bwana. Il est immensément riche eko mtajiri sana. Pour faire de nous aussi des riches. Mais le roi de la terre ou le reine de la terre elle vous appauvrisse pour qu'elle demeure riche. Non. C'est pourquoi il faut beaucoup aimer le Seigneur. Nafai kumpenda sana Bwana. Nous allons chanter un petit cantique. Taimba mwimbo. Tous mes péchés. On chante ce cantique-là. Chant de victoire 91. simama. Levons-nous. Nous prenons notre écriture habituelle. Toi, bandico, tu as quel siku? 1 Roi chapitre 17. Ofame a kwanza sura 17. Un roi, chapitre 17. Ofame a kwanza sura ya 17. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab. Sura kwanza Eliam Tishbite, mumoja wa kazi wa Galatia, akamwambia Akab. Jehovah est vivant. Jehovah ni mwenye kuwa hai. Jésus-Christ est vivant. Yesu Kristu ni mzima. Lui qui est le Dieu d'Israël et dont je suis le serviteur. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce que encore une fois, je l'aime. Oui, je l'aime. Amen. Amen. Amen. Oh. Merci, Seigneur. Amen. Tout-Puissant, Mungu Mwenyezi. De tout cœur, nous te disons merci. C'est toi qui as permis ce rassemblement. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que c'est toi qui as croisé notre chemin. C'est toi qui nous avais convaincus. Tu nous as ouvert les yeux et les oreilles pour notre bien. Et nous voici rassemblés. Assiste-nous, Seigneur. Tu connais chaque vie, chaque cœur. Tu connais les voix de tous les hommes. Maintenant, Seigneur, sonde-nous davantage. S'il y a des choses fausses en nous, viens-nous au secours. Nous voulons t'appartenir en toutes choses. Nous voulons marcher pour te plaire. En tant que des hommes, Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. Viens notre secours, car tu es un Dieu vrai. Change notre condition. Guéris nos maladies spirituelles. Donne-nous, Seigneur, une nature telle qu'elle te convient. Chasse toute incrédulité de nos cœurs. Que tout soit pour ta gloire. Bénis nos frères et nos sœurs qui suivent en ligne. Souviens-toi de notre frère Chibwabwa et toute sa famille. Souviens-toi de notre pasteur. Seigneur, répands la paix dans tous nos cœurs. Fais ce qu'un homme ne peut pas faire. Car nous sommes ta propriété. Nous le demandons avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur m'a appelé tantôt. Pasteur Anita. Il a salué toute l'assemblée au nom de Jésus-Christ. C'est depuis mardi que nous sommes là. Parlant du sujet Soyez certains de Dieu. C'est un sermon que Frère Branham a prêché aux alentours des années 59. Rien qu'à suivre le sujet lui-même, soyez certains de Dieu. C'est un ordre. Qui donne l'ordre? Pas un chef de l'État. Pas un gouverneur. Ce n'est pas un pasteur. Qui donne l'ordre? C'est Dieu lui-même. L'auteur de la vie, créateur des cieux et de la terre, il donne un ordre et il dit, soyez seulement sûr de Dieu. Ne soyez pas sûr d'autre chose. Il sait pourquoi. S'il y avait autre chose, en quoi nous pouvions placer notre assurance, il nous aurait recommandé. Soyez certains de vos études. Soyez certains de vos maisons. Soyez certains de vos comptes en banque. Soyez certains de vos motos. Il n'a pas dit ça. Soyez certains. Soyez seulement sûr de Dieu et Dieu seul. Pas autre chose. Même votre santé. Ne soyez pas certain de ça. Amen. Amen. Ne soyez pas certain, même de votre force physique. Ne soyez pas sûr. Pourquoi? C'est géré par quelqu'un d'autre. C'est géré par quelqu'un d'autre. Ne soyez sûr de rien. Sur la terre, dans votre vie, dans vos activités, ne soyez sûr de rien. Soyez seulement sûr du Seigneur Jésus. C'est un ordre. Dieu, regardez comment il parle. Si vous m'aimez, si vous croyez que je suis Dieu, faites ce que je vous commande. Jean 14. Ioano, Kuminamtano. Jean 14. Ioano, Kuminatano. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un sans avoir ce qu'il est. C'est parce qu'il est Dieu. Nous croyons qu'il est Dieu. Et il dit, si vous m'aimez en tant que Dieu, faites ce que je vous commande. Et ce matin, que chaque frère, que chaque sœur retienne ça. Soyez frères et sœurs sûrs seulement de Dieu. Ne soyez sûrs de rien. Pourquoi Dieu nous dit ça? Dans l'homme, suivez maintenant très bien. Naturellement, l'homme a toujours tendance na kutafuta d'être sûr des choses qu'il voit. Je reprends. Les hommes tels que nous sommes, nous avons toujours tendance à faire confiance à ce que nous voyons, ce que nous touchons. L'argent, mon argent est là. Gari yangu yoi, j'ai le véhicule. Nyumba yoi, j'ai ma maison. Bintu byangu byoi, mes biens sont là. Bibi yangu ye ma femme est là. Bwana yangu yo hii, motoka yangu yo hii, kazi yangu kule mine ndaka yo hii, karte ya kazi yo hii. J'ai ma carte de service. L'homme. Jo muntu vina natumainiaka. C'est ça l'homme. Jo muntu. Vous croyez que c'est ça? Eti munamini jo vile. Oui, c'est ce que nous sommes. Jo vile tunekalaka. Masomo ile ni kuna funda yo, diplôme yo hii minapata. Le diplôme que j'ai. C'est pourquoi lors des collations de grade, ou de étudiant grade, nos finalistes voilà, des examens d'État. Nous aspergeons la farine. Et la personne déchire même l'uniforme. Il est sûr. L'homme penche vers ce qu'il voit. Même pas penché, il est esclave. Et comme tout moi. De ce qu'il voit, ce qu'il touche, ce qu'il expérimente. Ce que les cinq sens lui disent. Mais quand Dieu dit, soyez seulement certain de moi, il vous dit, ne faites pas confiance à vos cinq sens. Il sait que tel que nous sommes. Nous sommes tellement sûrs des cinq sens. Mais lui nous dit non. Non. Regardez. Observez, c'est pas que c'est mauvais, c'est bien. Dans la nature de l'homme, deux, trois parcelles, quatre à Lubumbashi, à des bons endroits, un compte bancaire fourni suffisamment. Une bonne Jeep ou deux. Ah, et qu'on a ma Jeep à ta mi magari mbiri wala maison équipée. Nyumba yasha ipanga tu mzuri. Emploi assuré. Et qu'on a kazi ko kuna kakikisho. Les moyens pouvant lui permettre en cas de maladie d'aller vers Dubaï ou partout là-bas. Et quoi qu'on a feza ataka mana gonjo anaweza kwenda kwa Dubai wala kwa kufu dessus. Il a même un investissement, une école, une grande école. Et quoi tana masomo munene yasha maternelle, primaire, secondaire, université. Et quoi tana université. Des centres, des grands hôpitaux. Observez cet homme-là. Il est sûr maintenant. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? C'est comme ça que nous sommes, même moi aussi que je vous parle. C'est comme ça que les hommes agissent. C'est ça l'homme. Dieu vit le monde tout. Jusqu'à temps que Dieu vit tout. Nous ne pouvons pas refuser ce que Dieu nous aide. Savez le monde vous aide. Disons que c'est ça notre maladie. Dieu m'a gonjo. Maintenant nous voulons la guérison. Ça peine à ma tous. Et vous comment on est si tu entres des idées. Bah tenir la salle spirituelle. Spirituel. Ou quoi akiro. Ça tout qu'on a qu'il est ma tout oui oui. Nous avons l'handicap parce que nous sommes dans le corps de chair. C'est comme ça que ce corps agit. C'est ça ce corps. Dieu vit le mwili. Et c'est une maladie. Na ni ma gonjo. Et Dieu, nous venons à Dieu pour que Dieu nous guérisse. Maintenant, comment on a fait comme si vous arrivez auprès du médecin, il te dit, je pense que tu es malade. Non, je suis bien. Il te dit, ah, Mzuri, ouais, tu peux partir. Nous devons accepter que nous sommes malades. Nous sommes malades. Engarons le monde maintenant. Observez la personne. Il est très sûr. Même si vous tenez là, il y a deux ici. Il faut que vous cotisez. Nous devons cotiser. C'est généralement des messieurs comme ça, on les appelle. Ce sont des messieurs comme ça qu'on appelle messieurs combien. Ça coûte combien? C'est-à-dire, présentez-moi le montant total. Ningapi. Ça va. Ok. Ou t'es une fois au bureau. Ah, tu vas me suivre au bureau. Il est sûr. Ce n'est pas un problème. Aina mambo. C'est comme je vous disais vendredi. Pas bien vendredi. L'homme qui affronte la conjoncture. Dollar ripande, chouke, bunga, bunga. Lui affronte ça, il est capable. Sont des slogans que les musiciens ici lancent dans des musiques. L'homme qui affronte la conjoncture. Pourquoi? Ils sont sûrs que problème ikuye yanam nakani. Les moyens sont là. J'ai un peu de moyens. Le manger et le vêtement, ce n'est même plus voilà, un problème. Il est sûr. Et qu'on a été quiche. Ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Quand Dieu bénit, Dieu bénit. Il ne faut pas dire que non, c'est Dieu qui donne. Même au païen, c'est Dieu qui donne. Ni mungu na barika. C'est Dieu qui donne. Ni mungu jo apatiaka. Maintenant, observez. Maintenant, angarishisha sasa. Il est tellement sûr. Et qu'on a été quiche sana. Que quelques coups de fil qu'on peut lui adresser, qu'on peut lui faire. Yakusema atabana muita. Oh non, Yes, kusema kukuivi, yes, kukuivi. Il en a le moyen pour résoudre ce problème. Et quoi qu'on a fait, Dieu a couché les mambo. Il en a le moyen. Fait accoucher nos mambo et qu'on aille. Bien sûr. Et qu'on a tikisho. Mais ce que Dieu lui exige. Ça, c'est qu'il est mungu ya na lomba na giza. Kwa we na mi. Dieu n'exige seulement ses enfants. Anaomba kwa watoto yake tu. Tout le monde ici, Dieu ne s'en occupe pas. Mais pour toi et moi, soyons seulement sûrs de Dieu. Parce que tout ce que les hommes appellent assurance, c'est du sable mouvant. Mouchanga boule. C'est du sable mouvant. Ils sont en train de construire leur maison sur le sable. Pourquoi Dieu exige qu'on soit seulement sûr de lui? Frère, nous ne pouvons pas perdre le temps. Que ce soit les études, que ce soit la santé, que ce soit le bien. Regardez, vous, tout le monde est témoin. Regardez le séisme qui a eu en Turquie. Frère, quand je regardais, et vous voyez des immeubles que nous, on n'a pas construit. Regardez nos briques ici. Maintenant, si Dieu a envoyé les séismes, de maisons que nous sommes en train de construire avec nos briques ici, c'est Itachimama. Il t'a résisté. Est-ce que Itachimama? Le bâtiment qui sont tombés et dépasse de loin nos bâtiments ici. Frère, donc, vous regardez un immeuble. Peut-être que c'était l'investissement de toute sa vie. Là, il va s'en prendre à l'État ou à qui? Kulomba kwa leta, wala kwa nani, kwa parce serikali. Que c'est Dieu qui a décidé. Amen. C'est Dieu qui a décidé. Mungu jo abeba mipango. Nous devons être sûrs seulement de Dieu et de sa parole. C'est-à-dire pour nous, la parole de Dieu doit être une question de vie ou de mort. Ce que la parole me recommande, j'accepterai de tout perdre, mais rester seulement dans l'obéissance à la parole. Quand Dieu dit un mot, je m'employerai pour marcher dans ce que Dieu a dit. Je rejetterai toute autre chose qui voudrait faire la guerre à ce que Dieu recommande. Pourquoi? Dieu exige ça pourquoi? Maintenant posez-vous la question. Pourquoi nous demandons d'être seulement sur certains de lui? D'être sûr de ne s'appuyer que sur lui. Prenez Matthieu 7. Bébé Matthieu, Saba. Dieu est tellement sage et il veut que nous on tire profit de sa sagesse. Soyez seulement sûr d'une seule chose, sûr et certain, comme appui que le Seigneur Jésus-Christ. Quand la personne est rassasiée, vous lui dites ces choses. Il a des idoles à lui. Il ne comprend pas ce langage. Il a des béquilles. Mais que le Seigneur nous aide. Matthieu 7. Matthieu 7. Verset 26. Mais. Lakini. Quiconque entend ces paroles que j'ai dit, quiconque entend ce matin, il faut être seulement sûr de Dieu, c'est tout. Quiconque entend ça et ne le met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur du sable. Est-ce que l'église est là? Où est-ce que nous disons? na ashijikaze et il ne s'efforce pas que afanye nguvu assurance mu maisha yake kwa paka Yesu que l'assurance dans sa vie que soit mal de Jésus Christ son appui qui soit Jésus Christ que aye kufa maisha yake kwa paka neno la Mungu que soit c'est mal la parole de Dieu anafananishwa na mtu pumbavu à un fou. Pourquoi jua nini ole kubamba kuyenga nyumba yulu ya mwamba ole de bâtir sa maison sur le roc anaenda kuyenga nyumba yake yulu ya mchanga sous les sables. Maintenant regardez fateni sasa verset 27 msalama kumbina la pluie est tombée vula likuya les torrents sont venus mawimbi likuya les vents ont soufflé pepo ilipita. Amen amina suivez-moi maintenant fateni sasa. Pourquoi Dieu veut qu'on soit sûr de lui? Mungu anapenda tumtumainie tu na hakika juu yake. Frère, sœur, dada. Pourquoi Dieu veut seulement qu'on soit sûr de lui? Juanini Mungu anapenda tu na hakika juu yake. Il y aura un moment. Kutakuwa wakati mfulani mu maisha yako. Il y aura du vent. Kutakuwa mpepo zuruba. Un moment. Wakati fulani. La pluie tombera. Mvula itapika. Un moment. Wakati fulani. Il y aura inondation dans ta vie. Mai itaingia maisha yako. Dieu est sage, hein? Mungu ni wa hekima. Vous avez compris maintenant? Il si vote tout quoi. Que nous sommes ici. À un moment tu auras un typhon dans ta vie, tu auras un typhon. Na mambo. Pepo ya nguvu sana. Qu'on appelle Catherine ou typhon. Tornade, vous voyez comment les Américains nomment ça. Il est mamvumbi les villes d'Amérique manishaka. Chaque frère. Kila nduku. Chaque sœur. Kila dada. Chaque homme sur la terre. Aura une période de sa vie. Wakati mwa fulani ya maisha yako. Un vent terrible. Utakaka mpepo mwa ya nguvu sana. Il y aura ce vent là. Zuruba ile takuyaka. Quand? Wakati je ne sais pas. Mina watu juu. Mais ça viendra. Lakini akika itakuyaka. Ça viendra. Itakuya. Avant cela. Bela ile ifike. Voilà pourquoi Dieu t'envoie ce Mungu anakutumia ineno. Il y aura un vent. Utakuwa mpepo. Maintenant quand le vent sasa, la viendra. Wakati ile mpepo itakuya. Utafani. Que feras-tu? Si tu t'es appuyé sur ton diplôme. Diplôme yako, si tu t'es appuyé sur ta maison ou tes maisons. Yako, si yako, tu t'es appuyé sur ta santé. Afya ile si tu t'es appuyé sur ton mariage. Ndoa ile kunayo, si tu t'es appuyé sur ton compte en banque. Ya mafeza yako mbeki. Dieu est sage. Mungu ni wa hekima. Et il veut que nous na, on tire profit de sa sagesse. Tufaidie kule hekima yake. Il veut ça. Et on apenda vile. Le vent viendra. Pepo itakuya. L'inondation t'atteindra. Vula inaweza kufikia mai na kutumbukiza. Vula itakupikia na vula mai itakuyaria mnyumba. Tout ça, c'est un langage. Il est yote, ni msemeo. Dieu veut seulement nous montrer que ma problème est à kubamba ya nguvu. Des problèmes peuvent arriver. Mouwe mouambini. Des difficultés pour toi, chrétien, tu auras des problèmes. Voilà pourquoi il nous conseille. Tukomana, et nous tushauri comme un sage, papa. Sa baba wa ekima, que soyez seulement sûr de moi. Paka na kika yulu yangu. Même quand le vent viendra. Si mpepo na kuya, je suis le seul ou le peke, capable de détourner même le vent. Ya kugeuza ata mpepo zuruba, ou capable de te garder quand il y aura ya ce typhon là. Wakati le mpepo mkubwa itafika. Comment Dieu veut le bénécalac? Si c'est le cas. Comment toi balofo que au kanis? Les gens ne peuvent pas s'absenter à l'église. A ukuya nini? Tu ne viens pas pourquoi? Kaja musoko. Non, marché. Tu construis sur du sable. Ukuna enga ni pa mchanga. Tu construis sur du sable. Ukuna enga yulo mchanga. A ukukuya nini? Tu n'es pas venu pourquoi moi? Niri kuya kwa mashamba. J'étais au champ. Tu ne comprends rien. Là où elewe kintu. Tu ne comprends rien. Là où elewe kintu. Nini? Pourquoi tu n'es pas venu? Frère, mire, je forcé comme balabala na moto. Dieu ne peut pas quelque chose. Tu ne comprends rien. En d'autres termes, kuingine, Dieu est incapable de résoudre le problème pour lequel je suis resté. Uku nasema kusema Mungu ana na uwezo wa kutimiza ile mambo kunayo. Je répète. Mimi nasemuna motema. N'est pas venu. Kukosa kuya kanisa. Pour s'occuper de ses activités. Tu upate kubakia mkazi yako. C'est dire ouvertement face à Dieu. Uku namwambia Mungu tu mumacho kusema. Bon. Là je ne suis plus sûr de toi. Hapa mimi sina tena kumtumaini yako. Laisse-moi m'occuper de ça. Niache mbele nitumike eko. Je suis sûr d'autres choses. Niko na tikisho ambito mingine. Ya kusema kunyanyuliwa vitu vingine. Ah bila utaweza. Alors va donner d'abord prêcher. Moi, je m'occupe de ça. Minu na tumika mbele. Vous avez compris? Balo wa nofoka wana pas jusqu'à ça langage. Ceux qui s'absentent, ils peuvent comprendre, mais na musemeyo ku clair. Ne pas venir. Kukosa kuya. C'est dire à Dieu. Mungo, sema, non, ici toi tu ne apa, pourras pas. Nguvu, c'est très difficile mes problèmes. Il y a personne si moi-même je ne fournis pas d'efforts. Tu es sûr? Uku na hakikisho, de toi-même. Ya we mnyewe, mais Dieu demande. Lakini Mungu asema tumutumainie yeye. Sasa malanga pour chaque mufa Mungu. Kumuonesha sasa kwa. Combien de fois tu as déjà traité Dieu d'incapable? C'est compliqué. Ni atari. Ne sois pas sûr, frère. Ushitumaini ndugu. Ata masomo. Même tes études. Ushikwe sûr ata kintu. Ne sois même pas sûr. Apana kuya sûr ata parti politique. Même vos partis politiques parlent de tumainia. Apana kuya sûr ata chef de l'État. Tumainia même beaucoup à cercle. Apana kuya sûr ata muntu moya. De n'importe qui. Pour ses enfants, Dieu, toto yaki, Dieu veut qu'on soit seulement penda, sûr de lui. Tout en atikisho, et lui, il est la parole. Na ye, ni neno. C'est-à-dire, être sûr de quelque kuya, chose. Na atikisho, kitu kifulani, Yves Anasema, comme il a dit, fouiller la débauche. Tukimbie bushara, c'est sûr. Ni hakika, ni kweli. Mingi, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas. Faites ça. Vile, être sûr de Dieu, c'est chasser tout raisonnement, faire ce qui existe. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Est-ce que Jove tunafanyaka? Non. Apana. Le mauvais temps existe. Ma wakati ya nguvu iko hako. Dans la vie d'abord, ça existe. Dans la nature, même quand on prend un vol, oui. Avion, il y a toujours des mauvais temps. Frère, destination Kinshasa, vous retrouvez à Kananga. Maintenant, non, vous devez faire une escale ici. Pourquoi? Il y a mauvais temps qui. Vous devez attendre. Pourquoi? Le mauvais temps ne vous permettra pas. Ça ne vous permettra pas. Vous êtes obligé d'attendre que le mauvais temps puisse passer. Et ça c'est la nature qui nous enseigne ça. Et à combien plus forte raison, nous qui sommes étrangers passagers, des voyageurs, si dans le voyage aérien, il y a mauvais temps, et le voyageur sur la terre, il y a mauvais temps. Ne sois même pas sûr, frère, même de l'informatique que tu connais, ne sois pas sûr. Dans la nature de l'homme, il est équipé scientifiquement. Il croit que il devient un Dieu. Non. Pour nous, soyons sûrs seulement de Dieu. Frère, vous savez, même moi personnellement, quand j'entends souvent, docteur Fulani y en a koufa. Tel médecin est décédé. Je me suis toujours dit, comment est-ce qu'eux aussi ils arrivent à mourir? Rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Comment le médecin tombe malade? Et pourtant, nous, on fait confiance beaucoup aux médecins. Mais non, comment eux aussi tombent malades? Mais eux qui nous prodiguent beaucoup de conseils, vous les trouvez aussi des hypertendus, des cardiaques. Donc il y a plus grand que eux. Et le plus grand que eux, c'est le Seigneur Jésus. Mais quand il vous dit, soyez seulement sûr de moi, ne doutez pas, croyez. Amini. Le mauvais temps viendra. Regardez Jean 14, là où nous étions. Quand Dieu donne un commandement, frère, suivez ça. Même que ta santé là, ta jeunesse ne te trompe pas. Ta beauté, qu'elle ne te trompe pas. Ne soyez pas sûr de ta beauté. Ne soyez pas sûr de ton physique. Mwili yako. Ne soyez sûr de rien. J'aimerais que ce matin, tous en sortant, que nous repartions de ce lieu, étant seulement sûr de Dieu, et Dieu, c'est sa parole. Une chose qui doit tenir dans nos cœurs, c'est seulement ce qu'il dit. Toute autre chose, c'est du sable mouvant. Et si on a... On devient de tels croyants. La foi d'Abraham sera manifestée. La foi qu'a vu le Daniel sera visible. Frère, je vous dis, c'est des choses vraies. Regardez, je ne veux pas... Observez même les bailleurs. Tata Lopang. Les bailleurs, les responsables du passé. Observez les bailleurs. Regardez les bailleurs. Au Kasai et Kukishasa. Ce sont des rois. Ni Bafalme. Ce sont des rois. Bafalme. Un bailleur à Kin. Moyen Lupango. Il est sûr que. En ailleurs, c'est moi. Sur l'autre il quartier. Compte, il donne dans l'autre quartier. Observez comment il vit. Frère. Il est là, il se croit tout puissant sur la terre. Il est là, il se croit tout puissant sur la terre. Il se croit tout puissant. Quand vous lui dites que sois sûr seulement de Dieu, lui voit, il est sûr de ce qu'il voit. Lui demandait de détourner de ses regards de ces choses-là. Non, il ne va pas vous croire. Il considère que Dieu c'est Dieu. Croire dans le néant. Jean 14. Verset 23. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, que doit-il faire pour prouver qu'on aime Dieu? On garde ce qu'il recommande. Il gardera ma parole. Maintenant, en retour, quand vous vivez, vous efforcez de faire ça, Dieu vient lui-même maintenant. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Quelle est la grande promesse? Ah, maintenant, pose-toi la question. Ayant Dieu dans mon cœur, c'est lui qui a la solution à tout problème. Qu'est-ce que tu vas manquer? Quelle difficulté va te troubler? Quelle maladie va te troubler? C'est nous-mêmes qui ne comprenons pas ça. C'est lui qui fait ce que Dieu recommande. Dieu est obligé de venir vivre dans son cœur. De sorte que tous les problèmes qui viendront ne trouveront pas cet homme-là ou cette femme-là. Les problèmes vont trouver Dieu. Mieux vaut loger Dieu dans mon cœur que tout autre chose. Regardez, remontez un peu plus haut, 21. C'est lui qui a mes commandements. C'est lui qui fait ce que je recommande. Et qui les garde. C'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Et je me ferai connaître. Lui aura beaucoup de révélations. Même sur la vie. Il comprendra beaucoup de choses. C'est ce qu'ont connu les Daniel. C'est ce qu'ont connu Abraham. Eux avaient une lecture de la vie différente de nous. Pourquoi Dieu était dans leur cœur et Dieu est venu à eux pour leur dire que la vie, Maisha, ce n'est pas ce que vous voyez. La vie, Maisha, c'est l'autre côté. Il y a une cité. Frère, comment voulez-vous en ce temps du 21e siècle que quelqu'un comme Abraham, passe toute sa vie sous des tentes. Ou dans mon normal. Est-ce que vous l'avez trouvé normal? Les gens sont en train de construire. Vous allez vous dire, ce frère ici, il est malade. Il est en train de vivre Sodome et Gomorre, quoi, les munene. Mais Ibrahim, hier, quoi, n'a ici Maema. Où papa a choisi quoi, t'as battu tout le monde? Il ne pense même pas à ses enfants. Pour lui penser, il va finir ses mains dans des tentes. Je me ferai connaître à lui. Lui aura la vision de la vie différente que tout le monde. Amen. Amen. Prenez Hébreux 11. Bébé, Hébrania 11. Unaona mjumbe rikuya ni juu ya kutulurisha ku imani ya Abraham. Le message est venu c'est pour retourner à la foi d'Abraham. Kama unaangalia hali tukunaishi. Si vous considérez l'état dans lequel nous vivons. On n'a pas cette certitude que le Abraham avait en Dieu. Atuna na ile atikisho ba Ibrahim barikuwa na ndani ya Mungu. Hebreux 11. Wa Ibrania 11. Vous pouvez commencer à 8, 9, mais je prends seulement 10. Car il attendait la cité qui a des solides fondements. C'est-à-dire, une ville éternelle. Une ville où il n'y a pas la poussière. Où il n'y a pas de maladie. Qui lui a fait connaître ça? Abraham, on lui avait appris la divinité. Les plans du salut. Ce qui a fait ça, bienvenue Abraham. Acceptes-tu de devenir mien? Où est qui? Créateur des cieux et de la terre. J'accepte. Quitte maintenant. Vous allez vous dire. Lisez ça dans le verset 9. C'est par la foi que lors de sa vocation, Abraham obéit. La foi, c'est quoi? Il y a eu dialogue. Abraham a jugé bon de tout quitter et être avec Dieu. Maintenant, là où nous allons, là où je t'amène, il n'y a pas des hôpitaux. Il n'y a pas de maison. Tu acceptes? Lors de sa vocation, Abraham accepta. Ibrahim a l'ichika. Vous voyez maintenant, quand Dieu l'a appelé, Abraham lui maintenant, il avait une vie de loin. C'est-à-dire tout le parcours de la terre. Non. Abraham a sauté ça. Ibrahim a non. Il a dit, c'est ça la finalité pour laquelle vous m'appelez. Oui. Mais sur la terre, non, peu importe. Ça va. Muzuri. Il a regardé comme il chaud. Ah non, ça retourne. Ah c'est ça, pardon. Tout ça, pas de mieux vite à quoi dire. Sur la terre, ça sera comment? Allons-y. J'ai déjà vu la fin. C'est mieux. Observez même Moïse. Atamusa. C'est toujours la même vision qu'ils avaient. La fin sera comment? Les soucis du temps présent, ne représentent rien. Dieu veut les tuer. Est-ce que c'est ce que nous sommes? Or, vous, les soucis, les souffrances du temps présent, vous font absenter à l'église. Les souffrances du temps vous font que même à la prière, vous ne pouvez pas faire. Vous êtes dans la foi. Vous êtes dans la foi. Les souffrances du temps présent font que même pour payer la dîme, tu ne payes pas. Même pour payer le frais de construction, tu ne peux pas. Pourquoi? Tes yeux fixés sur le temps présent. C'est ça la foi des pères. Vous voyez que c'est différent. Il, Obéi est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Écoutez maintenant. Il partit sans savoir où il allait. En termes clairs, c'est de l'aventure. Il partait comme ça. C'est de l'aventure. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui sont venus, vous étiez tous à Lubumbashi. Et vous êtes venus ici. Et vous avez vu les gens qui sont venus, vous étiez tous à Lubumbashi. Sans savoir où il allait. Il attend, verset 10. Il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Maintenant je pose la question. Qui a créé le ciel et la terre? C'est Dieu, non? Maintenant comment il laisse ça? Il va monter encore une autre cité. Donc ça c'est des modèles. Quelque chose qui est de... Frère, admettons que je me présente ici avec des pattes d'éléphant. Qu'est-ce qu'il a mis? Ma goudir. Avec les goudir. Parce que à la place de mon coton, on avait des goudir comme ça. Et les pattes d'éléphant. Et ici, ça sert beaucoup. La chemise cintrée là. La chemise moi kubam papa kachikachi. Si je me présente comme quand ça. Quand vous allez dire que la tête c'est mais regardez ce que nous faisons. Ce qui est démodé. Et Dieu, nous tenons à ça. Normal. Nous ne sommes pas normal. Abraham a vu Ibrahim a que le ciel la terre, la terre d'à présent. Ah, c'est démodé. Nous nous accrochons à ce qui est démodé. Que Dieu nous aide. Ce qui est démodé, tu t'y accroches et tu sacrifies Dieu. Donc tu n'as pas la vue de loin d'avec Abraham. Dieu est l'architecte et le constructeur. Mais la pose, qui a fait le ciel et la terre d'à présent? C'est toujours lui comme constructeur. C'est toujours lui. Il continue. Regardez verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Ils ont vu seulement. Voilà, c'est yo, il est... voilà. Vraiment, il y a bien quoi. Ah, c'est vrai. C'est réel. C'est réel. Il y a bien quoi. C'est réel. Il y a bien quoi. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Maintenant, suivez. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'il cherche une cité. Mais vous êtes déjà sur... C'est bien ici, non? Frère, allez à Dubaï. C'est très bien. Posez à nos frères qui ont été là-bas. C'est très, très chic. Vous avez des murs, des appartements, non? Vous avez des aquariums dans tous les sens. Des toilettes, tu n'as aucun micro. Mais comment ça, ça beau. Cherche encore une autre partie. Allez chez les Arabes, vous allez voir. C'est très bien. C'est très bien. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une nouvelle patrie. Une autre patrie. Écoutez maintenant verset 15. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, Kama baranza kutamainia kule baretoke yaka. S'ils avaient la nostalgie seulement de d'où ils étaient sortis. Barikuwa nakumbuka tupa kule baretokea. S'ils avaient seulement la nostalgie de rester avec ce que Dieu ne demandait d'abandonner, ils seraient rentrés là-bas. Donc, en d'autres termes, Abraham était dégoûté du monde. Dégoûté même de maison en briques rouges que nous construisons. Abraham était dégoûté de ça. De maisons d'argile. Comme Job parle. En d'autres termes, il lui donnait de la répugnance à Abraham. Sarah, il disait à Sarah, moi je supporte moins ma tante. Moi je supporte ma qui est de ces maisons ici. Manyumba, mais regarde, Mangarien, à cause de ces maisons, la ele manyumba, tu es orgueilleux. Kiburi sas. Frère Mincho Mone Nyumba. C'est moi le propriétaire de la maison. Mais Abraham, lui, était Abraham, dégoûté. Lui, chukia, s'il avait envie, le souci de ça, il serait rentré. Mais comme ces choses ne lui disaient rien, twende. Ah, allons-y. Twende. Allons-y. Asi unaje mapartement. Tu as laissé tes appartements, nyumba yako. Allons-y. Mais kule mukunenda. Là où vous allez. Amuna tena kia kuikala kia. Vous n'avez même rien. Sasa ngara imani yetu. Regardez notre foi maintenant. Nous qui devons aller dans l'enlèvement. Tu passes quoi dans mon lieu? Mule muko Abraham tout à l'heure. Imani. Et tu comme nous sommes dans la foi. Mona se bintu bisha ko ponda kan bisha ko. Voyez que c'est pourri. Abraham n'avait pas de soucis. Abraham a coupé n'angaiko du monde présent. Yaim dunia. Sans lui disait rien. Oh l'Égypte, sans lui disait rien. Abraham, Abraham dans son cœur, il disait Seigneur, jusqu'à quand? Non seulement cela. Abraham était dégoûté d'une chose. De la vieillesse. Abraham se disait non. Seigneur. La jeunesse éternelle, c'est pour quand? Or, regarde ce que nous avons fait. Surtout quand tu vois les 6 boutons. C'est si nous avons 6 boutons, veste en 6 boutons. Frère, na clé à motoka. Avec un trousseau de clés à la main. Mais Abraham a vu tout Abraham ça. Abraham y est. Non, non. Il s'est dit. La jeunesse éternelle. Buyana, il n'y a aucun produit qu'on peut boire. Akuna kitota ki moa ki le tunezi kunya. Qu'est-ce que ça demande? Ça, c'est un lombarine. Qu'on abandonne tout toi, ça. Biote, oui, dio, j'accepte. Mine chica. Frère, comment on angara bintu correctement? Si vous regardez le selon l'écriture, nous sommes loin. Soyons honnêtes. Tout est tout à voir. Nous sommes loin. Imani est tout mon pembe, mais sans se rendre compte qu'on est en dehors. A tu as seulement tout coïncé. Si on est en dehors. Tout coïncé. Il y a des mèches qui reviennent dans nos églises. C'est quoi? Djouani. La nostalgie. Vous akumbuka bia zamani. La nostalgie. Bia zamani, je vais te akumbuka. Toutes ces choses qui reviennent, qui réapparaissent maintenant. Cela veut dire les gens encore ces choses-là en eux. Bengari kila bia bintu dani yabo. Frère. Duku. Mais maintenant. Sasa. Ils en désirent une meilleure. Après, ce qui fait, à un moment où vous allez vous dire, non, tu te dis ça, tout bien. Nous, on ne voit pas les choses claires. Na kama ku sincère. Et comme on voit moi que c'est notre cœur, tu rages et nous, Seigneur, tu diras bwana. Fais-moi voir les choses. On y fagne qu'on a mis. Tel qu'Abraham le voyait. Yanze kona paka vile Abraham anza kona. On y sait dire. Je ne vois pas les choses telles qu'Abraham le voyait. Abraham anza kona. Comment lui voyait les choses à sa manière? Yeah, anza kona bitu munama tu yake. Ce qu'il désirait de meilleur. Moi je ne le vois pas. Mimi sibione. Je n'en désire pas ces choses. Mais si vitamania, et Dieu la mungu, qui a fait ça en Abraham, Ibrahim, viendra te le faire. Je n'ai pas montré comment on a TVS 155. Il croit que c'est le c'est meilleur. C'est quoi que Joe Mouicho? C'est meilleur. À un moment, tu lises. Il cherchait quoi, Abraham? Meilleur là où tu as mis un nini. Mais vous avez posé la question. Il ne saura pas bien vous expliquer. Aïe, ça va facilier à Mouzouri. Il ne saura pas bien vous expliquer. Aïe, ça va facilier à Mouzouri. Il ils en désirent une meilleure. C'est-à-dire une qui vient du ciel. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte. Mais Dieu a honte de nous aujourd'hui. Dieu n'a pas honte. C'est-à-dire maintenant, il est fier. Dieu était fier. Il dit à Satan, un homme comme ça, je ne peux que l'amener au ciel. Tu l'as tenté avec quoi? Tu l'as tenté avec quoi? Il est là. Il accepte de vivre toute sa vie sous détente. C'est tout ce qu'il dit. Il se contentait seulement d'être dans des tentes. Même nos sœurs que nous avons à la maison. Mais bon, nous avons établi nos tentes pour vivre là-bas. Pasteur, venez écouter là-bas mon mari. Comment Sarah est entrée dans la vision de son mari? Et le mari s'absente. Toi aussi, la femme, tu t'absentes. Tu ne comprends rien. Pas là où il est au Kintu. Le mari abandonne les choses de Dieu et retrograde. Toi aussi, tu rétrogrades. Ils en désirent une. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Ouais. Regardez. Je prends un exemple simple. Yeah. Tu vois, quand tu as. Même des jeunes frères ou des grandes sœurs, tout ça, qui sont présentables, qui ont des moyens. Pour le présenter, tu es content. Dieu grand frère, ou le même grand frère. À qui je vous parle, il habite à Kinshasa. Celui-ci, elle vient de l'Afrique du Sud. Et celui-ci, il habite en Zambie. C'est notre cadet. Quand tu fais ça, tu es fier. Où est-ce que je suis fier, moyo? D'être appelé leur frère. Et Dieu aussi. Quand il a vu les Daniel, il a vu les méchants. Il a vu les Abraham. Il a vu les Daniel. Il a dit Satan, je suis fier des enfants comme ça. Dieu peut-il le dire pour toi? S'il ne le dit pas, tu iras dans l'enlèvement. Comment est-ce que tu iras au ciel? Dieu n'a pas honte. Dieu s'est glorifié. Je t'avais dit, Satan. Tu les as fait tomber dans les péchés. Mais il y a ces deux hommes. Ils vont refuser tes problèmes, tes propositions. Ils vont tenir seulement la parole. Je vais envoyer la tempête dans leur vie. Ils vont s'accrocher toujours à ma parole. C'est ce qu'on fait. Est-ce que Dieu veut que tu Léo? On est dans la foi. Mais moi aussi, ça me fait très mal. Je me dis, Seigneur, surtout ça, il dit, aide-nous. On essaie de dire qu'on a mis une manière quoi pour Abraham. Les désirs qui étaient Abraham. Ils arrivent quoi que ça puisse naître encore. Parce que même si j'ai fourni mes efforts, je ne saurais pas. C'est lui qui a fait naître, c'est Abraham. Jésus-Christ vient le faire naître à moi. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car, à cause de ça, c'est-à-dire à cause de ça, quand il a vu ça, je le jure, il n'a pas été à l'autre cité, parce que c'est moi, mais c'est la plus importante de la valeur. Je n'ai pas encore préparé la cité, ni vieillesse, santé éternelle, jeunesse éternelle, je pars préparer pour eux. Je vais préparer une cité pour eux. Je jure, quand il a vu la position qu'avait Abraham, en assume à cause de ça, il faut que cet homme soit le père de la foi. Quiconque viendra sur la même base, ayant des attitudes comme Abraham, il entrera. Mais non. Christ, tu vois pas? Les chrétiens, sommes-nous là? Nous sommes venus Turikuya, pour apprendre la nature de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Mungu la nature de Dieu, Mungu, c'est d'avoir des enfants batoto, comme Abraham, Ibrahim, qui désirent des meilleures choses. Sana. Ou t'as dit, tu vas lui poser la question où ça se trouve. Messie, il te dira, ah, c'est en haut. C'est en haut. Frère, Duku, soyons honnêtes. Tu quoi tu agis? Ces dispositions-là n'existent plus. Aïna côté na. N'existe plus. Aïkala ke côté na. N'existe plus. Aïkala ke. Mais comme ça, c'est, Dieu est capable. Ça fait Mungu gari kina uwezo. Il l'a donné l'inspiration. Aleta uvu sukumo. C'est pour qu'il soit à mesure d'attraper quelques-uns et qu'il fasse cette œuvre en nous. Na afanye le kazi ndani yetu. Pourquoi on est tombé trop bas? Tu sais qu'on cachini sana. Comment? On est sûr seulement de ce que nous sommes. Ce que nous avons. C'est tout. Regardez même dans la vie. Son fils aîné. Ingénieur. Il est ingénieur. Kamoa. Deuxième fils. TFM. TFM. Troisième. Watatu. Il est député. Eko, ni député. Même dans le quartier. Adam quartier. Mouna Mongrole. Vous saluez ce papa-là avec beaucoup de respect. Quand on a mis le papa, na ishima amingi. Pourquoi? Djuani. Garantie. Eko na kikisho. Même s'il tombait malade. Ataka malo na gonjo. Il suffit. Ani ni kupika tout téléphone. Il me faut les soins. Ah, watoto, il faut ça demande combien? Ni makutanga papa. $600-$700. $600-$700. Ici. Ouku, papa. Les filles envoient. Binti manatuma. Pourquoi? Djuani. Vous êtes sûr Muko na tikisho. Qu'il a une base. Ya kusema eko na misingi. Rien ne peut le troubler. Akura kitu kinaweza kumhangaisha. Dieu lui veut. Mungu yeye anapenda. Que notre base solide. Misingi yetu. C'est seulement la parole. Ikwe neno. C'est seulement la parole. Kwe neno. Ça se nona comme on est kalanga na esprit ya kubechana. Na uvae si vous avez l'esprit de concurrence. Là, tu n'as même pas l'odeur de la foi. Tu n'as même pas l'odeur. Il leur a préparé une cité. C'est ainsi que vous observez. Quand vous lisez ce récit, je peux te prendre l'hébreu 11 là et te démontrer que regardez comment elle marchait. Regarde comment elle marchait. Tu vas te tenir à la tête. Tu vas te saisir la tête. Tu vas te saisir la tête. À cause de ça. Quoi ça? Quand Dieu a montré à Abraham. Apamina kuita. Là où je t'appelle. Mambo angu biapadu. Ah ah. Ce n'est pas les choses de la terre. Ne me demande pas de te construire une maison. Regarde là à la fin. La jeunesse est Buyana Bwamileli. C'est fini. Kunaishi. Tu choisis comment? On a chakula ni. Abraham quand il a choisi. Abraham wakati ya chakula. Pour vous montrer que il était dégoûté maintenant du temps présent. Dieu vient. Mungu anakuya. Abraham. Amwambia Ibrahim. Viens. Kuya. Tu es sûr de la cité? Unako na hakikisha ile mungu. Tu es sûr de la jeunesse? Et si on a hakikisha ile buyana ndio. Maintenant je vais te demander une chose. Sasa nitakulomba kitu kimoja. C'est moi qui t'ai donné Isaac. Oui, offre-le-moi. Abraham, c'est comme on se matadja. Tu as le dit, il prend l'enfant. Allons-y. Mon nom est l'attitude. Vous voyez les telles attitudes. Pas caca mon échaquona pour mouiller sa safari. Tu as déjà vu la fin du voyage. Abraham n'a pas réfléchi. Vous allez vous demander. Cet homme, comment il pouvait bouger son enfant? Non. Abraham désirait des choses meilleures. Et les choses meilleures par rapport à Isaac, il disait mieux vaut de tuer. Comme celui qui me demande de les sacrifier, c'est pour que j'entre là-bas. Mieux vaut les sacrifier. Mais toi, ton kiosque, c'est ça ton Isaac? C'est ça ton Isaac? Shunono, on a pas qu'un homme fixe. Tu restes mon yoloka. On a ça alors mis ce qu'il y a que Dieu. Tu n'as pas encore compris. Tu n'es même pas dans la foi. Et la parole, Dieu te fait grâce aujourd'hui. Tu as un Isaac. Où qu'on a Isaac? Le sacrifier. Parce que Dieu exige le rassemblement. C'est-à-dire, chufunge wende kukaniso kaombe Mungu. Va à l'église. Wende kukaniso kashike sauti. Va à l'église écouter la parole. Mais toi tu ne veux pas. Et Dieu le waupendake. Mais tu te dis à épouse de Christ. Uko bibi harusi wa Kristo. Abraham. Sa Ibrahim. Nanyu lapa. Qui parmi nous? Atechika huwe mtoto. Peut accepter de sacrifier son fils. Ah, pa wangu. Ah, mon enfant, moi. Ah, on peut insulter seulement mon enfant. La sœur en amamba wangu, elle est sable. La sœur, elle s'enflamme pour oublier même la parole de Dieu. Mais qu'est-ce faire d'Abraham? Ça, c'est Abraham et Fanny. Nous lisons, c'est comme si c'était des rêves. Mais Abraham est une réalité. Hier, quoi, ni ukweli. Isaac est une réalité. Ibrahim, quoi, ni ukweli. Maintenant, lui a fait ça. Hier, Fanya Vili. Qu'est-ce que toi, tu as fait? Oui, chaque Fanya Konini. Quand Dieu te demande de sacrifier telle chose pour la parole. Je suis un homme. Il est langage qu'on a tout gagné. C'est de tel langage, ça sort pourquoi? C'est ça ton idée, c'est ça ton Isaac. Sanamu yako, Joe Isaac wako. C'est pourquoi on a ce que la Bible on a ce... C'est par la foi. La Bible dit, qu'Abraham Ibrahim acceptait d'offrir Isaac. Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Rappelez-vous vendredi, le Saint-Esprit nous disait, Dieu dans sa nature, c'est de mettre à l'épreuve. Toi, tu vas croire que l'épreuve m'atteste. La simplicité de Dieu te passe entre les mains. Quand est-ce que Dieu te met à l'épreuve? C'est dans de simples choses. Et toi, tu ne fais pas attention que ici c'est Dieu qui m'a demandé de sacrifier ça pour la cause de la parole. Toi, tu regardes aux grandes choses qui n'arriveront même pas. Que Dieu aide chacun de vous. C'est tellement sérieux, frère. Même moi qui vous parle, mon cœur tremble. Je désire à tout prix que le Seigneur, tant qu'il me donnera la force physique de jeûner, de prier, je lui demanderai en le suppliant qu'il crée cette disposition à moi. Parce que c'est lui qui m'a appelé. Qu'il fasse ça. Il ne peut pas me laisser comme ça. Parce que je n'ai pas les dispositions qu'avait Abraham. Je ne désire pas cette meilleure cité comme Abraham l'a désiré. Qu'il me vienne en aide. Comment un homme comme David, roi, 500 femmes, autant d'enfants, hectares de champs, autant de potagers, autant de troupeaux, tout ça, lui, je suis dans la joie. Quand tu es avec les femmes, quand tu vas au champ, quand tu es avec dans ton cortège, ma joie déborde le moment d'adorer. C'est ce qu'on est. Ou te dis, mais ma joie à moi est où? Ma joie à moi est où? Quand tu es avec tes enfants, kumeza, cuisse poulet, c'est ça ta joie. Quand tu es au volant, c'est ça qui fait ta joie. Quand tu es bien habillé, c'est ce qui fait ta joie. Moto, tout est assuré. Quand on va chez Kambo Mani Kondika, voilà ce qui fait la joie. Et de toi, et de ta femme, et de tes enfants. Comment la joie de David était seulement quand il faut rencontrer Dieu? Sommes-nous dans la foi? Frère. Je vous dis, quand Dieu nous met sur la balance de la parole, peser, peser, compter, diviser, aller, tout pas. Il n'y a pas de poids. Mais Dieu nous fait grâce. Dieu ne peut pas envoyer une telle parole s'il ne veut pas nous bénir. Il envoie la parole ainsi parce qu'il veut bénir quelqu'un. Mungu atusaidi. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidi. Que Dieu nous aide. Regardez le verset 24. Mangalie mstari wa 12 na 4. C'est par la foi. Ni kwa imani. Que Moïse, Musa, devenu grand, a kwa mkubwa, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps pour un peu de temps qui puisse vivre dans la joie. Heureux, la vie qui la finir que je puisse terminer là. Or, si nous voulons vivre dans la joie, la fin. Qui est dans la foi? Qui est dans la foi? C'est lui qui avait demandé à Moïse de quitter la maison. Moïse, cette nuit-là, Moïse a dit, il dit, oui, c'est bien. Le palais, j'ai toutes les filles et tout ça. Mais la fin, c'est quoi? La fin, c'est quoi? Moïse a conclu en ce moment. C'est le temps de ma décision. Je dois me décider. Soit que je reste ici et je vais mourir ici. Mais à part, il y a la jeunesse éternelle. Il y a la santé éternelle. Il y a une cité éternelle. Maintenant, ça demande quoi? Que je puisse sacrifier ça. Moïse a pensé. Et le matin, il s'est réveillé. Il dit, Minenda. Je pars. Naenda. Et il partait. Satan, Chitani. Suscité bien tout le monde. Moïse est tenu. Moïse, réfléchis bien. C'est arrêté. Moïse, waza mouzoué. En toute chose, hein, il faut peser le pour et le contre. On est encore sur la terre. Badunia. Une voix lui dit, Moïse, Kambia, regarde la rémunération. Moïse, Moïse regarde et dit, non, je n'ai pas. Je vois la récompense. Quand je pèse la rémunération de la fin, ce que j'aurai aujourd'hui, je préfère aller là-bas. Quand nous lisons, c'est bien, tout ça. On a mais ces choses, ça se passe individuellement dans la vie de chaque frère et de chaque frère. Dans la plus grande simplicité, que vous ne vous rendez pas compte que c'est ça votre temps aussi. C'est ça votre temps. Moïse a décidé. Regardez comment la Bible parle. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les palais, l'Égypte, les... tous les avantages matériels. Les trésors, quand on parle des trésors d'Égypte, frère, c'est pas des choses terribles. Et il a regardé que avoir honte aujourd'hui, avoir Christ aujourd'hui, manquer ces choses, c'est un grand bénéfice. Mais maintenant, regarde notre état. Lui avait les yeux fixés sur la rémunération. Tous, quand vous lisez, regardez vers le bas là-bas. Verset 38. Eux, dont le monde n'était pas digne, c'est-à-dire ce monde ici, ils étaient dégoûtés. Ils étaient dégoûtés. Quand on regardait des maisons, ils disaient, regardez-moi ces maisons. Ce sont les maisons qui vieillissent, qui ont des fissures. Et quand ils se regardaient eux-mêmes, on s'est regardé comment tu as le gros ventre. Regardez, il y a maintenant l'histoire aux yeux. Ils se regardaient, regardez comment la sœur ici s'est tombée avec les enfants. Il a dit que ça ne vaut pas la peine. Être, c'est-à-dire digne, c'est-à-dire ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine d'être dans ce corps. Ça ne vaut pas la peine d'être comme on est là. Mais pour toi, ça a un grand prix. Il a un pays mkubwa sana. Un grand prix. Qui est dans la foi? C'est toi ou bien c'est Moïse? C'est eux ou bien c'est nous? Le monde n'était pas digne. Dunia ya kustahili. Pas seulement à cause du péché. Pana tu kwa zambi. Oh, il y avait trop de prostituées, tout ça. Bon, mingi ya oh, biote, bari kwa dégoûté. Ils avaient tout, même balakini. Ils regardent les mbaïnings. Balangare makampu. C'est que nous, on s'est dit. Avec tout l'ensemble. On est en train de construire la troisième phase. Troisième phase. C'est néant. C'est du néant. Frère, banaza mine souterraine. Ils ont commencé à mettre non. Et ils ont dit c'est néant. Mungu arumba muntu akwe Mungu anazishu kama kalolo. Que non puisse commencer à descendre dans la mine. Ils ont dit c'est néant. Comme mine souterraine, ça ne vaut pas la peine. Abistaili. Il faut Dieu. La fazani Mungu. Faut Dieu. Frère, bah, t'as fait une station courante. Ah, mais non, non. Nous, on veut une nation, une cité où la lumière, c'est sa gloire. Pas de délestage. Banetweka Bulongo avenu à ses noms. Mais regardez les choses auxquelles nous on s'accroche. On se vante même. Mais eux étaient dégoûtés. Ça ne vaut pas la peine. Pour eux, la vie sur la terre ne valait plus la peine. Il faut vite passer. C'est pourquoi, lisez l'écriture, là on est. Regardez le verset 35, 36. D'autres subirent les moqueries. Vous voyez? Frère, il vivait une vie. Comme nous, on peut appeler ça médiocre. Misérable. Misérable. Misérable. Misérable. Et les gens se moquaient d'eux. Regardez ces gens ici, ils ne sont pas intelligents. Les amis sont en train de profiter, c'est ça le moment. Le monde appartient au plus rapide. Nous allons attendre. Mais bon, Baba Nanzi Kuseka, ils sont en train de vieillir. Ils sont en train de mourir. Ils avaient quelque chose que tout le monde n'avait pas. Ça, c'est Angara Imani. Maintenant, regardez ma foi et ta foi. Vous pouvez voir, c'est comme si nous sommes à l'est et ils sont à l'ouest. Mais nous prétendons que nous irons ensemble. C'est très compliqué, frère. Très sérieux. Chacun de nous ici doit demander à Dieu de créer cette nature-là en nous. Et si Dieu ne le fait pas, tu mourras ainsi. Et tu ne comprendras rien. Et ces choses passeront sur ta tête. Ils subirent des moqueries. On a un kukucheka. C'est-à-dire, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien sur tous les plans, humainement parlant. Tu ne vaux rien. Et dans quel temps nous sommes? C'est l'âge de l'intellectualisme. L'âge, il faut faire valoir ce qu'on est. Donner la démonstration que je suis. C'est cet âge ici. Et c'est dans cet âge, Dieu lui veut que nous on subisse aussi la moquerie. C'est très compliqué. C'est pourquoi, quand le Saint-Esprit inspirait Paul pour écrire, il dit, regardez parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas de puissants, il n'y a pas de nobles, il n'y a pas de riches. Pourquoi? Dieu a vu que c'était une épreuve. Pas montre que lâcher. Écoutez comment Frère Branham parle. Je viens de me rappeler ça. Dans Pourquoi de 1960? Oui, c'est là-bas. Pourquoi du 22-6-1962? Citation 17, Oh, 47 plutôt. Suivez tranquillement. La nouvelle naissance entraîne un gâchis. Mais elle produit une nouvelle vie. Une semence doit d'abord pourrir pour produire une nouvelle vie. Qui est cette semence-là? C'est toi et moi. Un pécheur, suivez maintenant. Frère Justin ne dort pas. Un pécheur doit mourir et pourrir à ses propres idées, à sa propre façon de voir les choses, à sa propre façon de lire la vie. Y a-t-il des pécheurs qui ont cru au Seigneur? Oui. Maintenant, écoutez, nous les pécheurs qui avons cru au Seigneur Jésus, nous devons mourir et pourrir à notre première façon de voir la vie. Si cela ne se fait pas, il fâché, tu ne vois rien. Même quand nous parlons, c'est comme si ça, ça vous étonnait. C'est comme si ça vous étonne. Mourir il faut foi, et pourrir à ses propres idées. Suivez. Fateni. Sa propre vie Maisha yake doit pourrir kuza, afin kuza, que kusudi, la nouvelle vie sasa, puisse croître à partir de là. Pale. C'est un gâchis. C'est ce dont l'Église a besoin. Joire kanisa inahitaji. Est-ce que Kanisa Bantu veut quoi? Et l'église, c'est ce dont nous avons besoin. Bantu ça. Les gens ont dit. Touche quoi, Mini? Nous avons déjà crié. Quoi, Mini, c'est ça, non? Crois, c'est mourir foi, et pourrir. Na-cou-osa. C'est-à-dire, quand tu y arrives, Afrika, il n'y a rien Amuna de toi encore. Daniyako. Qu'est-ce qu'il y a? Nin. Dieu prend place. Mungu abe afasha kwanza. Dieu peut-il s'absenter à l'église? Dieu peut-il manquer du respect à l'œuvre de Dieu? Dieu peut-il injurier les enfants de Dieu? C'est ce dont l'église a besoin maintenant. Mais que font-ils? Ils évitent cela. Ils évitent cela. Par des dogmes. Frère. Je suis là. Regardez le style de nos, tous nos prédicateurs pentecôtistes. Tous ces styles. Ah, ma, voilà, viennent d'où? Jimmy Shagat. Et si Shagat a imité qui? Il voulait tirer l'exemple de Frère Branham. Regardez, tout ce que vous appelez, je ne vais pas les citer. Tous, bon français. Donne des leçons de morale et tout ça. Ils sont là, ils se promènent. Je vois quelqu'un. Recevez ça. Bintu bya zamani. Des anciennes choses. Il est sa télévision, mon chaîne, la télévision, qui parle moi et mon Congo, mon chien. Quand on avait qu'une seule chaîne de télévision. Que moi, vous êtes assez fort de Jimmy Shogat. Des vieux trucs. Et regarde quand est-ce que ça fait, ça cartonne maintenant au Congo. Djoko, non, la bande, on a eu tout. Ma profil de ce monsieur-là, comme métier-là, même des frères d'ici. Vous ne comprenez rien. Vous mettez le message à côté de ces saletés-là. Muneka message kumpembeni ujumbe kumpembeni njoa ile mabuchafu. Una mishanga? Vous croyez que eux ont quelque chose à nous apprendre? Vous pensez que beaucoup n'a qu'une chose à nous dire? Oui, vous tous êtes nous nayo. L'esprit qui a dit. Ils vont être pas ça. Bon, abaya kwa kanayo. Les dieux qui avaient nous. Et non pas ça. Abaya kwa kanaye. Vous ne voyez pas les choses de la bonne façon. Si c'était la même chose, Abraham se retrouvera à Sodome. Si c'était la même chose, Moïse resterait en Égypte. Ils sont partis pourquoi? Ce n'était pas la même chose. Vous ne savez pas voir les choses. Vous avez déjà moi sans le savoir. Moi posté, toutes ces pensées, des philosophes, tout ça. Ça. Sortez ça de vos téléphones. Sortez ça. Ce sont des pensées d'hommes. Appuyez-vous seulement sur Dieu. Soyez seulement certains de Dieu et de sa parole. Frère, je vous dis au nom du Seigneur Jésus, l'inspiration que nous avons, les pentecôtistes ne tiendront pas. Ne tiendront pas. Je peux monter même sans méditer. L'inspiration descendra. Ils seront étonnés. Pourquoi? Le vrai Dieu est avec nous. Moïse a demandé. Il a demandé à Israël. Est-ce qu'il y a-t-il une nation la plus grande qui soit et qui puisse exister au monde, qui puisse avoir un Dieu comme nous? Non, il n'y en a pas. Anako. Qui soit aussi proche de nous, chaque fois que nous le lui demandons, nous, on peut venir, même sans méditer, mais parce qu'on est concentré, l'inspiration tombera. Comment? Vous prenez des pensées de pentecôtistes, vous prenez des cantiques de pentecôtistes, vous mettez sur vos profils. Ce sont des divinités étrangères. C'est ça le problème. C'est dont l'Église a besoin. C'est de mourir et de pourrir. À quoi? À ton nature. À ta façon de lire la vie. À ta façon d'être sûr de tes études. Ta façon d'être sûr de ton commerce. Ta façon d'être sûr de ton mariage. Tu dois mourir et pourrir. Tu vas me dire, Jésus, quelle sera ma garantie? Dieu sera ta garantie. Dieu sera ta garantie. Posez la même question à Moïse. Quand tu parles là, quel est l'avenir? L'avenir, c'est seulement Christ. C'est Christ. La même question pouvait être posée à Daniel, à Meshach. Mais vous ne pensez pas à l'avenir. Vous voulez sacrifier vos vies. Il dit, l'avenir véritable, c'est se livrer à Christ. Frère Branham continue. Il dit ceci. Mais ils évitent cela en se donnant des principes. Je suis déjà baptisé au nom de Jésus-Christ. On m'appelle sœur. Je ne défrise pas les cheveux. Je suis naturel. Au deuil, j'ai toujours été là. Les fêtes, je suis toujours là. Je suis vierge. Ce sont des principes que vous vous donnez. Mourez et pourrissez. C'est ça le christianisme. Mourir pour lycée. Tous les raisonnements doivent mourir. Pas seulement mourir, pourrir. Mais quand il n'a pas mouru, il n'a pas mouru. Il n'a pas mouru. Mais pourrir, c'est-à-dire, kuoza, ça sent mal. Vous en êtes dégoûté. Dégoûté de votre nature, de vos pensées, votre façon de voir la vie. Vous en êtes dégoûté. Or, c'est ce que le christianisme ne veut pas d'aujourd'hui. Ils veulent vivre. Plutôt, ils évitent cela par des dogmes et tout, tout par des dogmes et tout, pour essayer d'esquiver l'idée de mourir à soi-même et pourrir. Ils veulent vivre pour eux-mêmes, pour leurs intérêts. Quand ils sont parlé, nous voulons vivre pour nous-mêmes, pour notre intérêt. Si ton œil est mon bel âme, trouver profit, et puis tu as besoin de combien. Tirer profit et aller au ciel. Or, Mungu naye, Dieu aussi. C'est lui qui perdra. C'est ça le principe de Dieu. C'est lui qui perdra sa vie pour moi. La retrouvera. C'est Abraham compris que nous n'avons pas encore compris. Nous on veut gagnant et puis gagnant encore. Dieu aussi veut perdant ici pour être gagnant là-bas. Je n'en ai mouille pas ça. Non, on a c'est l'épine maintenant. Il ne mouille pas ça. C'est l'épine. Mouille pas. C'est l'épine. Ils veulent vivre pour eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a un émo. Qui puisse tirer profit. Un émo. Qui puisse tirer profit. Mais à part, Dieu veut tirer profit, avoir des avantages. Qu'il n'ait pas honte d'être appelé ton Dieu. Qu'il n'ait pas honte d'être appelé ton frère. Mouita ya mateso. En ces temps de difficulté, où il y a de la honte de Jésus-Christ, maintenant lui, il veut qu'il soit d'autre frère. Si tu as tes frères riches, maintenant toi, tu as déjà atteint un niveau. On a cédé. Ça va mitapita. Pourquoi? Tu ne veux pas que tes amis puissent être minables. Comment nous bien? Si il est bon, qui puisse être visible. Mais Jésus aussi, au temps présent, il est minable. Il est minable. Jésus présentement, c'est une parole qui fait la honte. Et il veut qu'en ce moment, qu'il soit notre frère. Qu'on sache qu'il est notre frère. Une parole qui attire la moquerie. Que Dieu nous aide. Ils veulent vivre pour eux-mêmes. Comment? Comme il a un téléphone. S'il a un téléphone. Lui veut suivre à tout prix toutes les saletés qu'il y a sur YouTube. Ça, c'est Mungu na katali. Maintenant, la parole de Dieu est interdite. Mais yena yana sema hapa ni intérêt yangu. Il dit hapa ni mapasho yangu. Ifumbele nyona banamuke vibe kuna vula mangu. Kuvoa d'abord comment ces femmes sont en train de se déshabiller sur les autres. On appelle kuishi jo mapasho yako jo mapasho yako. Mais Yesu muita. Mais Dieu en ce temps ici, il veut que tu puisses refuser cela. Yesu muita. Jésus-Christ a fait temps. Je ne veux pas qu'elle puisse suivre les télés. Ça, ça, wana wei. Série de télévision. Jo kuko intérêt. Wana wei, jo mapasho mapato yako. Yesu a stipendé tout à Jésus-Christ ne veut pas qu'on puisse éclaircir la peau. C'est là où que tu trouves l'intérêt. Jésus-Christ ne veut pas que nous puissions commettre un adultère. Mais c'est là où toi tu trouves profit. Tu sais qu'on est pauvre. Que nous puissions nous annuler. Que nous puissions pas nous annuler. Que nous puissions pas être des tribalistes. Que nous puissions pas être des Kabila. C'est là que tu trouves profit. Ça se t'a fait nier. Maintenant, qu'est-ce que tu feras? Où t'a fait nier? Qu'est-ce que tu feras? Où t'a fait nier nier? Qu'est-ce que tu vas faire? Mambo sport, awache. À ce qui concerne le sport, tu l'abandonnes pas. Mazembe, Chelsea. Mazembe, Chelsea. Et l'équipe d'Allemagne ici, d'Espagne, c'est quoi? Barcelone. Barcelone. C'est ce qui fait ta joie. Ce qui fait ta joie. Ma cage yako. Ah, tes activités. Frère, je suis toujours busy. Toujours occupé. Non. Je dois être ici. Mais Dieu dit, soyez seulement sûr de Dieu. Comme toi, tu es sûr de tes activités et de ton emploi de temps. C'est du sable mouvant. Ni pepo, ni changa, tu es insensé. C'est C'est comme ça que la Bible dit, Matthieu Saba, que nous avons dit, tu as un sens. Parce que le temps de la souffrance arrivera. Partout où tu passes, tu perds ton temps. Ça ne va pas vous aider. Celui qui va vous aider, c'est lui qui te conseille aujourd'hui. Il te conseille aujourd'hui. Ils veulent vivre pour eux-mêmes. Or, celui qui vit pour lui-même vit pour lui-même et pour son partenaire, le diable. Celui qui vit pour son intérêt, qui vit pour Satan. Celui qui vit, qui suit les télévisions, les chaînes, les films là, tu fais pour Satan. Celui qui s'absente à l'église pour ses propres intérêts, il fait ça pour Satan. Tu fais ça pour Satan. Celui qui vit pour lui-même, vit pour lui-même et pour les diables. Celui qui se renie avec Satan retrouvera sa vie en Christ et il sera une nouvelle création. Amen. Attendez, je vous lis quelque chose que Frère Branham a mentionné. Écoutez, c'est dans pourquoi? Pourquoi du 9 mars 1960? 19 mars 1960. Suivez. Citation 18. Vous ne pouvez pas avoir communion à la fois avec le monde et avec le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être avec Dieu et être avec le YouTube. Vous ne pouvez pas être avec Dieu et être dans la politique. Vous ne pouvez pas être avec Dieu et être avec les sports. Le tribalisme, les calomnies, non. Dieu ne supporte pas ça. Vous devez vous abstenir de toutes ces choses du monde. Menez une vie alors, le Saint-Esprit viendra habiter en vous et marchera avec vous, accomplira des miracles au travers de vous, vous guérira et vous donnera sa joie. Si vous voulez marcher dans la voie de Dieu, il y a le Saint-Esprit en abondance. Quiconque veut suivre la voie de Dieu, garantit le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. C'est très long. C'est très long. Prenez le sermon là. C'est des petits sermons, vous pouvez lire. Oui, que tous les deux sont des sermons de 60, je crois. Oui, oui, attendez. Oui, oui, 60, tous les deux. Rien n'est sûr, mon frère. Même ton emploi. Ton emploi. Rien n'est sûr. Ta maison, rien n'est sûr. Tes activités, rien n'est sûr. Si c'était sûr, Dieu en parlerait. Dieu devait en parler. Jacques. Jacob. Jacques, je vous montre quelque chose. Jacques chapitre 4. Jacob Oine. Jacques 4. Jacob Oine. Jacques, c'est avant Apocalypse. Ni Bélé Apocalypse. Avant Apocalypse. Bélé Apocalypse. Et avant Jude Apocalypse plutôt. Yuda, Yuda na Apocalypse, ufunulo. Jacques chapitre 4. Jacobo Ine. Écoutez comment la phrase commence. Verset 13. À vous maintenant. Qui dites. Je cherche l'emploi. Je vais construire la maison. Je vais agrandir un peu le champ. Je vais me marier. Vous qui vous dites ça, ce n'est pas Dieu qui vous le dit. À vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons. Donc, mon gars, regarde que c'est un commerce. Dieu savait qu'il y aura des trafics. Nous gagnerons. Nous tapata. Comment m'engager? Comment je suis chef d'équipe? Maintenant, voilà ce que je ferai. Je gagnerai. Je ferai ceci. Dieu connaît les pensées des hommes. Et la Bible dit, Dieu sait que toutes ces pensées sont vaines. Frère, Dieu est terrible. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, qu'est-ce que votre vie? Voilà la question que l'homme ne se pose jamais. Il est mouto à Stulizak. Qu'est-ce que votre vie? J'ai aimé hier le frère Kazadi. Il dit, Dieu ne vous consultera pas. Ni pour venir dans ce monde, ni pour partir de ce monde. Il ne viendra pas vous consulter, ni poser la question à votre mari, ni à vos enfants. Non, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que votre vie? Vous vous donnez beaucoup de projets. Je vais faire. Mais qu'est-ce que votre vie, en d'autres termes, qui tient les manettes? C'est vous ou c'est quelqu'un d'autre? Tout est dit dans la Bible. Pourquoi nous disons que Dieu est infini? Il est éternel. Lui, il a vu tout, comment les gens se comporteraient sur la terre. Comment les gens se marieront. Comment les gens auront des enfants. Il a vu comment les gens vont étudier. Comment les gens feront le commerce. À un moment, ce sera l'Europe. Et puis après, ce sera la Chine. Ce sera l'Inde. Il a vu comment la médecine allait évoluer. Il a vu comment il y aura l'informatique. Il en a même Il a donné cette vision à Branham pour aider les gens de la Odyssée. Que à un moment, la technique sera au top. On peut opérer quelqu'un en Cambodge. Mais ceux qui opèrent, ceux qui commandent l'opération, un au Canada, moi au Canada, un autre en Afrique du Sud, Mutombo et Albert, comment on va faire ici? Ah, regardez là. Oui, je vois. Retirez ça. Coupez un peu. Qui pouvait s'imaginer que la médecine peut atteindre ce niveau-là? Les médecins qui ne viennent pas, mais ils restent chez eux, vous vous connectez, vous opérez, succès total. Dieu a vu ça. Et ça atteindra un tel niveau. Les gens, l'informatique fera ça. Les choses seront comme ça. Les voyages, les gens ne seront plus sur les chevaux. Il y aura des avions. Il y aura des ceci. Dieu a vu tout ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Vous qui vous dites, demain, voilà ce qu'on fera. Voilà ce qu'on fera. Mais qu'est-ce que votre vie? Ça dépend de moi. Comment ça dépend de moi? Alors soyez certains seulement de moi. Soyez seulement certains de vous. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce que votre vie? Regardez maintenant. Vous êtes une vapeur. Vapeur. Douglas, vapeur, il y a bien. Hein? Chi? Chimoko. Voilà. C'est ma vie. Ni ubutu shimoko mwa angara kama una wajisha mbabula. Regarde quand vous allez mettre au zéro. On a pas encore dit. Tu fais ça. devant Dieu. Mbele ya Mungu. Shunona ibune nangu. Tu vois mama sisi. Dieu pour que ni kufa. Dieu fait ça. Dieu fait. Il souffle seulement. Ça se tenait coûte. Vous avez une vibana en train de gonfler. Directeur José, tout ça. Directeur Josué. Bongo. C'est faux. Nous sommes des vapeurs. Tuko tu nishimoko. Sommes des vapeurs. Nimoshi tu. Regardez même nous-mêmes. Gariata, Shimoko, tu l'as fait que Dieu. La vapeur qu'on fait comme ça, c'est moi avec la fille. C'est-à-dire, toi et moi, oui, ami, si Dieu veut te retirer de la terre, tu fais ça. Maisha una bijana kwa sasa shimoko una mujiro alafanya c'est comme si tu as dérangé yo alafa alafa oh il est mort il a laissé les José, enfants yo José una shinda na kwa kanisa et tu manques même de venir à l'église il va faire peshimoko et toi na wei frère mon cousin est décédé. Tout est passé. Nous sommes dépassés. De passer une vapeur. De passer une vie à Mushimoko, tu n'as pita. Frère. C'est comme là au cimetière. Ah, ils ont de leurs parents. Une vapeur. Nishimoko. Vapeur. Nishimoko. On est tous là. Nous allons appeler qui paie. Mais oui, vous étiez certain de lui. Mais Dieu vous demande d'être certain de lui. Vous ne voulez pas. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Dieu est terrible, frère. C'est-à-dire, nous sommes ici. Nous sommes apparus. Tout et puis pour disparaître. Mais que faut-il ça, faire ça, pas ça avant ta disparition? Soyez certain de Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Frère, Dieu est sage. Mungu nous akima. Mais maintenant, sasa. Ou plutôt, vous devriez dire au contraire. Kwa kinyume mwapashi kusema sasa. Si Dieu le veut. Kama Mungu anapenda. Si Dieu. Kama ni mapenzi ya Mungu. Permet ça. Anarusu. Chapitre 5. Regardez comment ces phrases commencent. À vous maintenant. Moi, banane. Vous qui. Qui avez des maisons. Moi, qui croyez être quelque chose. Qui croyez être. On en a. Vous voyez. À vous maintenant. Moi, sas. Riche. Batajil. Pleurez. Mourien, sas. Ah. Gémissez. Mougoué. À cause quoi, Gilles, y a un peuple est à couille. Du vent, de des malheurs qui viendra. Olé. Des malheurs olé. Qui viendront sur vous. Couille, vos richesses Mautagirienu. Sont pourries. Ni à cause. Et vos vêtements, Namavazienu. Vos six pieds, six mais boutons. Il est six boutons. Mungu arrive à ce que tu avais la six boutons. Dieu savait qu'il y aura des six boutons. Vos vêtements rongés par l'éteigne, votre or, votre argent rouillé. Votre et leur ruine s'élèvera en témoignage contre vous. Tes histoires. Montrera que c'est lui qui ne veut pas, qui voulait pas aller à l'église. Est-ce que si tu l'as dit, est-ce que nous on lui a interdit d'aller à l'église? Ma bidon, ma futa, il n'a pas de bidon. Tes bidons là vont se tenir devant toi avec du sel. Ma Seigneur, est-ce que si tu n'as pas de bidon? Nous, est-ce que nous on parle? On a un mot à dire. Ma moto n'a couille. Le moto a dit. Nous sommes des boîtes de conserve. Est-ce qu'on résistait? Tu restes au Qatari. Seulement à l'église, nous, on va résister. Pas à tout, quand ils sont au Qatari, quand vous blaguez. Mungu, Dieu, il n'y a pas sage que lui. Hakuna wa hekima kumshindia. Nduku, quittez vos raisonnements. Restez avec lui. C'est pourquoi la Bible dit que le riche ne se vante pas, que le fort ne se glorifie pas, que le sage, que le licencié, ou le docteur ne se glorifie pas. Mais qui compte veut se vanter, qu'il ne se vante, parce que Dieu lui a ouvert les yeux. Comment? Votre, vous avez amassé des trésors. Quand? Dans les derniers jours. Sommes-nous dans les derniers jours? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Amasser. Ah, tu as mal. Tu t'as fouté. Nous te cherchons l'argent. Vous accomplissez l'écriture sans le savoir. Est-ce que peut-être vos frères n'avaient sœurs manasquées? Il y a des frères qui ont compris ça. Prenez maintenant une décision. Bébé, ni ça s'empang. Vous amassez quand? Dans les derniers temps. Où il faut se préparer pour aller au ciel. Vous, au lieu de ça, occupez à autre chose. Si vous, Dieu a pitié de toi maintenant. Voyez la miséricorde de Dieu. Frère Branham disait, avant qu'un homme ne quitte la terre, Dieu, Mungu, d'une manière ou d'une autre, yote, Dieu doit venir d'abord le visiter. Croyez-vous ce matin qu'il vous visite? Oui, c'est ça. Kweri, vile. C'est ça. Vile. Maintenant, si la visitation de Zaza, Dieu Mungu vous la manquez, le même Jésus qui vous visite ce matin, c'est leo. Le même Jésus autrefois mara zaman, qui se tenait, qui regarde Jérusalem. Il avait fait couler vous des vous avez manqué le temps de votre visitation. Maintenant, Zaza, la tempête viendra. Qu'allez-vous faire? Fanya nini, maintenant, vous ne mentez pas. Ça. C'est Jésus qui vous yes, visite. Yes, qui est Jésus? Yes, la parole Neno et l'esprit Naro qui vous parle. À vous riches. Ah, riche en quoi? Tajiri muni. Dans tout ce que vous vous vantez. Ça. Riche en informatique. Tajiri mu informatique. Na riche en maçonnerie. Mina ya kuyenga miye. Riche en, miye niko en commerce. Mwisha kuya kufanya biashara mzuri. Riche en agriculture. Tajiri mu kulima tu mashamba. Toutes les occupations. Yote, riche en kiosque. Yote, riche en pharmacie. Pharmacie. Vous êtes riche. C'est-à-dire vous tajiri. Avez. Ukunabio. Maintenant vous riche. Sasa, we mtajiri. Écoutez. Shikia sasa. Dans les derniers temps. Mui wakati ya mwisho, ce n'est pas le temps d'accumuler. Wakati ya kuyaja bintu. C'est le temps ni wakati de charger ya kuweka parole neno sur parole. Kuyaja neno parole neno sur parole. Neno pourquoi les malheurs viennent? Ju ole kunakuya. Vous faites ça. Des fois, vous ne payez même pas bien vos travailleurs. Regardez maintenant ce qui m'a plu. Verset 5. Vous avez vécu sur la terre. Dans un confort. Non. Muku à l'aise. Vous êtes à l'aise. Dans les voluptés. Non, non. Manasa, Anasa, ça, les fura, Manasa, frère, abonnement Naïcha. Nuku, l'abonnement a pris fin. Bato topaka ma jeu et amandu et anan. Les enfants tablettes ont des jeux sur leurs tablettes. Ce sont des voluptés. Ni Dieu savait qu'en ces temps, il y aura trop de choses qui font plaisir à l'homme. Vous n'avez vécu que ça. Mounjoy le maïcha mukwanayo. Non, hein? Riche en Android, riche en méga, riche en ceci. Maintenant, voilà comment était votre vie. Vous avez vécu dans des choses qui font plaisir à votre cœur. C'est un bon juge. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Bitu bizuri. Des bonnes choses. Frère, urona Comment il a équipé la maison. Vous avez vu comment il panga nyumba. Comment il s'habille. Vous savez, oui, c'est bien. Donc, même je suis bien m'habiller. Je ne suis pas contre. Faites ça, mais ne manquez pas Dieu. Ah. Vous avez vécu dans les délices. Vous aviez rassasié vos cœurs. Avec quoi? La parole. Vous avez rassasié vos cœurs. Vous avez rempli vos cœurs. Oh, qui doit remplir nos cœurs? C'est Dieu, le Saint-Esprit. Au lieu de cela, toi ton cœur, plein de projets, plein de choses, Dieu, dehors. Et ce matin, Dieu veut rentrer. Je veux rentrer. Tu vois ce que j'aime avec le Seigneur. Quand on vient à l'église, c'est un labo. Un labo spirituel. Et Dieu qui connaît. Frère, Dieu sait dénicher le microbe caché dans ta vie. Et te le révéler. Pour te dire, toi ta maladie c'est ça. Dieu savait que nous vivrons en un temps où les plaisirs, nous serons entourés, frère, rien que des choses qui font du bien au cœur, qui font du bien au cœur, qui réjouissent l'esprit, qui réjouissent ce corps. Mais pendant que ceux qui nous ont précédés en étaient dégoûtés, et Dieu parle de cette façon. Parce que l'objectif pour lequel nous a sortis des dénominations, c'est pour nous amener à la foi qu'avait Abraham. C'est pourquoi tout homme sincère, tout cœur sincère, ira à genoux et dit, Seigneur, j'ai failli. Vraiment, viens-moi en aide. Je ne comprenais rien. Donc, ma vision était trouble. Je ne voyais pas bien les choses. Mais ce matin, je viens pour que tu m'aides. Il termine. Vous avez condamné. Vous avez tué le juste. Qui ne vous a pas résisté. Frère. Vous condamnez les justes. Non, les justes. C'est le Seigneur Jésus. Qui ne vous a pas résisté. Mr. Ndokani Saléo. Il est là. Il ne vous a pas résisté. Moi, je ne peux pas lui saluer. Moi, je ne dépends pas de lui. Les justes, lui. Il ne peut pas vous résister. Vous êtes fort. C'est votre temps. Lui, son temps vient. Qu'est-ce que vous vous dites dans vos cœurs? Et lui, le juste, se réserve. Mais non, non. Bonjour, ma chef, Mouita. C'est mon temps aussi arrivera. Il parle en suppliant. Même si on dit, même si on fait, c'est ma vie. Le juste, lui, le Saint-Esprit, qui est la parole, ne vous résiste pas. Ce que vous voulez faire, il vous laisse faire. Il obéit. Il respecte vos convictions, vos principes. Maintenant, tu fais ma porno. Je vais faire suivre mes années porno. Tu t'es dit à quoi la mambo fata. Tu peux. Fata. Bon embarique. Que le Seigneur bénisse. Que devez-vous faire? On n'a pas fait rien. Dieu, Mungu, pour l'amour de ses yeux, il sait que si je ne fais rien, ils sont minés, ils seront misérables. Il faut que j'envoie la parole. Ceux qui sont prêts se laisseront avertis, se réveilleront. Regardez, c'est comme Ephésiens 5, verset, je crois 14 ou 13. Réveille-toi. Prenez ça. Ephésiens 5. Ephésiens 5, on termine. Ephésiens 5. Ephésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dormais. Relève-toi. Chimama. Donc, à moi, les conditions, oui. Qui est dans l'état où tu es. Qui brille à Yesu. Viens à Jésus Christ. Et lui, na yeye, il va te ouvrir les yeux. Il va t'éclairer. Il va t'éclairer. Il va t'éclairer. Mais comme on a jamais. Mais si tu résistes. Ah, il respecte ta position. Ah, lui lance l'appel. Réveille-toi. La mouka. Même quelqu'un qui dort. Attends, le quoi, la mouka, ça est chaque année. Réveille-toi, il est temps. Il continue à dormir. Ah, vous le laissez. C'est ton droit aujourd'hui de rester endormi dans les choses qui font ton plaisir, dans les choses qui sont tes délices. Tu veux y rester dormi. Mais ceux qui appartiennent à Dieu, ce matin, comprendront que il faut se réveiller. Se réveiller veut dire quitter les lieux où tu te trouvais. Quitter les lieux où tu t'es retrouvé. C'est lui qui doit quitter, c'est toi, ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a envoyé sa parole. Il te dit tout simplement de quitter dans ces choses. Et si tu quittes, et c'est là que je vais commencer à t'éclairer. Si tu es encore là, il n'y a pas moyen de t'éclairer. Amen. Amen. Réveille-toi. Amka. Toi qui dors. Umikulala. Dieu sait Mungu anajua que les choses dans lesquelles bile, tu es assis, c'est du sable. Ni mchanga. Les choses bitu, dont tu es certain, c'est du sable. Mchanga. Si, comme Dieu le savait, sabe, Mungu c'est pourquoi jua, même dans l'écriture, il a fait mention de ça. Anandika. Tout ce que nous considérons comme chose de la vie est incertaine. Hébreux chapitre 12. Regardez comment il parle. Hébreu 14, Hébreu 12 plutôt, verset 25. Gardez-vous, faites attention, de refuser d'entendre celui qui parle. C'est José? Non. Il a parlé autrefois, et ce matin il vous parle encore. Faites attention de ne pas écouter celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, il fait allusion à Israël, n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous? Si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux maintenant, qui parle ce matin, c'est le même qui avait parlé au Mont Sinaï. C'est lui. Là-bas, il est descendu, il a parlé. Ils n'ont pas fait attention. Ce matin, il vient de parler aux frères, il vient de parler à certaines sœurs. Si vous ne faites pas attention, refusez d'écouter sa dire, tu as écouté et tu n'as pas observé ça. Qu'il faut être certain seulement de Dieu. Écoutez, tu as écouté. Mais te donner la peine que Dieu soit seulement ta seule assurance, tu ne veux pas. Dieu t'a parlé ce matin. Maintenant, écoutez. Lui dont la voix ébranla alors la terre. Il t'inquiéta. Et qui maintenant a fait cette promesse? Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les cieux. Ces mots. Une fois encore, indique le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps. Quelles sont les choses ébranlées? Université. C'est pour un temps. Ma chambre, c'est pour un temps. Ni wakati. Bukweri, le mariage, c'est pour un temps. Ni wakati. Kaji, l'emploi, c'est pour un temps. Ni wakati. Ce sont des choses bitu, qui sont là pour un temps. Biko apo, mena bintu bia wakati mufupi. Bishikubambe weye mambo wa Mungu neyacha. Ça ne puisse pas te pousser à abandonner les choses de Dieu. Kusharatika. Commettre l'adultère, ni bia wakati. Il dit, anasema, afin que kusudi, les choses inébranlables subsistent. Maintenant, quelles sont ces choses ébranlables? C'est pourquoi. Jokwamana. Ah, c'est bien. C'est pourquoi. Jokwamana. Recevant un royaume inébranlable. Recevant Christ dans vos cœurs. Voilà le royaume qui ne peut pas bouger. Qui demeure éternellement. Recevant le Saint-Esprit. Montrons notre reconnaissance. En rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Avec piété et avec crainte. Naboka. Comme des gens qui ont été sauvés. Prouvons-le maintenant. Montrons ça maintenant. En faisant quoi? Un service, un culte agréable à Dieu. Posez-moi la question. Quel est le culte agréable à Dieu? Romains 12, verset 1 et 2. Je vous exhorte par la compassion de Christ, comme Christ a été compatissant pour vous, à offrir vos corps, votre esprit, vos cœurs, comme un sacrifice vivant à Christ. Donnez-vous à Christ comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable et agréable à lui. Ne vous conformez pas à la tendance actuelle. Ça, c'est le verset 2 de Romains 12. Ne faites pas ce que les gens font aujourd'hui. Sacrifiez Dieu au profit de leurs préoccupations. N'imitez pas ça. C'est clair, non? Donnez-vous à Dieu. Investissez-vous totalement. Que Dieu occupe votre cœur. Qu'il soit votre joie. Non. Vivez comme des chrétiens qui font le commerce. Vivez comme des chrétiens ayant des locataires. Vivez comme des chrétiens ayant des centres médicaux. Vivez comme des chrétiens étant des commerçants. Vivez comme des chrétiens étant des directeurs dans des entreprises. Pourquoi? Vous avez reçu quelque chose qui ne bouge jamais, inébranlable. Maintenant, montrez ça. Que vous avez quelque chose. Quelle que soit la conjoncture, quelle que soit le YouTube, quelle que soit la mondanité, vous avez quelque chose. qui se laisse pas séduire. Qui est où? En vous. Daniel. Montrez-le maintenant. Montrez ça. Et vous avez un royaume inébranlable qui ne peut pas bouger. Ce qui bouge là, yo, on ne m'a image pas YouTube. Ce n'est pas inébranlable. Oh, on est ce qu'il y a ma élection. Les élections. Nous, ça ne fait pas bouger nos cœurs. On a ce qu'il y a m'envoie. Vous avez appris. Banasema Bifoulan. On a dit. Non. Apana. Ça ne fait pas bouger nos cœurs. Il avait tenu ça à mes yeux. Pourquoi? Il y a quelque chose de véritable béton. Pas le béton que nous, nous. Je m'excuse. Quelque chose qui a été cimenté en nous et qui ne bouge pas. Mais tout ce qu'ils appellent, rien, ça va bouger. Ça va bouger. Recevez. Et maintenant, recevant, ayant reçu cela, montrez par votre conduite, votre manière de parler, par votre manière de vivre, que vous, vous avez quelque chose qui ne peut pas bouger suite à tous ces tralala qu'on voit sur la terre. Non. Pourquoi? Hébreux 13, on est à 12. Hébreux 13, verset 14. Car nous n'avons point ici. Nous n'avons point ici, quoi? Une cité permanente. Muji yalote. Yamilele. Yamilele. Apana kiamilele. Il n'y a rien d'éternel ici. Il apana kiamilele. Il n'y a rien d'éternel. Nous ne pouvons pas nous inquiéter. La fin de toutes choses est proche. La fin des androïdes et de YouTube est proche. Ces choses sont pour un temps. Et comme il n'y a pas une cité permanente, yamilele, mujiamilele, ainako. Alors. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous cherchons celle qui est à venir. Nos cœurs brûlent pour ce qui est à venir. Nos désirs, c'est seulement pour ça. C'est ce que nous brûlons pour ça. Et nous sommes venus parce que nous voulons des choses éternelles. Nos yeux sont fixés sur ce qui est invisible. Ce qui est visible, c'est pour un temps. C'est pourquoi Paul disait, les souffrances du temps présent, quelles sont ces souffrances? Ce sont les souffrances du temps présent. Ce sont les souffrances du temps présent. Ce sont les souffrances du temps présent. Souffrances du temps présent. Bonangwa ni compliqué. Souffrance du temps plaisant. Biote ni byakutupa mukitunga kimoya qui s'appelle souffrance du temps présent. Et que dit l'écriture? Les souffrances du temps présent. On ne peut pas, quand on le compare à la gloire à venir, la gloire est kuyu yulu sana keibi. Alors montrez ça maintenant. Réveille-toi, toi qui dormais. Pourquoi? Il faut être sûr seulement de Dieu. Bon, que le Seigneur bénisse. Il faut être sûr de Dieu. Vous me pardonnez pour le débordement. Il faut être sûr seulement de Dieu. Tout à chimam. Nous allons lever. Mon frère, ma soeur, réfléchis. Duku dada fikiri. Kuya kukanisa kinyetu kuya. Venir à l'église, le pourquoi nous sommes venus. C'est pour que Dieu puisse nous corriger. Mungu atutunze. Que Dieu puisse nous guérir. Atunze magonjwa yote ya kiroho. Que Dieu puisse guérir nos maladies spirituelles. Maintenant, Mungu anakupa dawa. Et Dieu t'a donné maintenant le remède. Wakunywa dawa ni wewe. Unapaswa kunywa dawa, c'est toi. Kama unabeba dawa unaenda kuweka mu nyumba. Aina kosa munganga. Ce n'est pas la faute de ton pas sur le médecin. Le médecin fait bien son checking. Et t'a prescrit le médicament. Anakuandikia dawa. Qui doit s'efforcer de boire, c'est toi-même. C'est toi-même. Prends la décision. Toi-même. de te dire, je ne comprenais rien. Maintenant, j'ai compris. J'ai vu que je m'engageais sur une mauvaise voie. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé. Prions tous ensemble.